J'ai des raisons d'encouragement. Parce que je veux dire à prendre un biais autre que celui où vous m'avez vu la dernière fois, c'est que comme j'ai eu la faiblesse d'autoriser la publication de ces séminaires dans un certain bulletin, j'ai eu du même coup la contrainte de devoir regarder les deux premiers qui devaient sortir dans le deuxième numéro de ce bulletin. Et que somme toute, je me suis dit, enfin, que malgré la difficulté qu'il y a, non pas bien sûr à m'orienter, mais à soutenir votre intérêt parce que j'énonce cette année du RSI, eh bien, mon Dieu, même ces premiers frayages des deux premiers séminaires n'étaient pas si insoutenables. La deuxième raison d'encouragement m'a été apportée par la réponse, à savoir, enfin la réponse, je ne suis pas sûr que ce soit simplement une réponse, je veux dire que les personnes qui m'ont envoyé deux papiers sur les nœuds, et très spécialement les nœuds borroméens, savoir Michel Thomé et Pierre Souris, leur papier avait quelque chose de tout à fait digne d'intérêt. C'est à ces papiers que répondent les petits dessins du rang inférieur pour les premiers et ils continuent à, ceux du premier rang, font la suite de ce que j'ai à vous dire, de ce que je me suis proposé de vous dire cette année. Donc, RSI, j'écris cette année, en titre. Ce ne sont que des lettres, et comme telles, supposant une équivalence. Qu'est-ce qui résulte de ce que je les parle? Ces lettres m'en servir comme d'initiale, et si je les parle comme réelles, symbolique et imaginaire. Ça prend du sens. Et cette question du sens, c'est bien ce que rien de moins j'essaie de situer cette année. Ça prend du sens, mais le propre du sens, c'est qu'on y nomme quelque chose. Et ceci fait surgir la dimension justement de cette chose vague qu'on appelle les choses et qui ne prennent leur assise que du réel, c'est-à-dire d'un des trois termes dont j'ai fait quelque chose qu'on pourrait appeler l'émergence-puissance. L'énorme, ai-je dit. Ce que j'ai fait, je ne dirais pas encore en démontrant, parce que ça se résume à quelque chose qui n'est pas plus démontrable que le nœud borroméen. Ça se résume à une monstration. Si j'ai été amené à la monstration de ce nœud, alors que ce que je cherchais, c'était une démonstration d'un fait, faire du discours analytique, c'est quand même assez, là dirais-je, monstratif ou démonstratif. Quoi qu'il en soit, ce que je voudrais avancer aujourd'hui, c'est quelque chose dont je vous ai... Ce n'est pas sans ruse, parce que je glisse toujours les choses comme ça, tout doucement. Il y a quelques ruses là-dedans. Mais ce n'est pas rien non plus de la reconnaître. C'est que... Je vous ai indiqué un jour que Freud, ça tourne autour du nom du père. Ça ne fait pas usage du tout du symbolique, de l'imaginaire, ni du réel. Mais ça les implique pourtant. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas pour rien que je n'ai pas parlé du nom du père quand j'ai commencé, comme j'imagine que certains le savent parce que je le ressasse assez, mais j'ai parlé des noms du père. Eh bien, les noms du père... C'est ça, le symbolique, l'imaginaire et le réel, en tant que, à mon sens, avec le poids que j'ai donné tout à l'heure au mot sens, c'est ça, les noms du père. Les noms premiers, en tant qu'ils nomment quelque chose, que, comme l'indique la Bible, un bobo de cet extraordinaire machin qui y est appelé père, le premier temps de cette imagination humaine qu'est Dieu est consacré à donner un nom, mon Dieu, à quelque chose qui n'est pas indifférent, à savoir un nom à chacun des animaux. Bien sûr, avant la Bible, c'est-à-dire l'Écriture, il y avait une tradition. Ça n'est pas venu de rien. Il est sensible, sensible au point que ça devrait frapper, enfin, les amateurs de tradition. C'est qu'une tradition est toujours ce que j'appelle conne. Même pour ça qu'on y a dévotion. Il n'y a pas d'autre manière de s'y rattacher que la dévotion. Ce l'est toujours si affreusement, ce que je viens de dire. Tout ce qu'on peut espérer d'une tradition, c'est qu'elle soit moins conne qu'une autre. Comment ça se juge-t-il? Là, nous rentrons dans le plus et le moins. Ça se juge au plus de jouir comme production. Le plus de jouir, c'est évidemment tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. C'est parce qu'il s'agit du jouir qu'on y croit. Le jouir, si on peut dire, est à l'horizon de ce plus et de ce moins. C'est un point idéal. Point idéal qu'on appelle, comme on peut, le phallus, dont j'ai déjà souligné en son temps que chez le par-l'être, ça a toujours le rapport le plus étroit, c'est l'essence du comique. Dès que vous parlez de quelque chose qui a rapport au phallus, c'est le comique. Le comique n'a rien à faire avec le mot d'esprit. J'ai souligné ça en son temps, quand j'ai parlé du mot d'esprit. Le phallus, c'est autre chose. C'est un comique comme tous les comiques. C'est un comique triste. Quand vous lisez Lysistrata, vous pouvez le prendre des deux côtés. Rire, vous la trouvez amère. Il faut dire aussi que le phallus, c'est ce qui donne corps à l'imaginaire. Je rappelle là quelque chose qui m'avait beaucoup frappé dans son temps. J'avais vu un petit film qui m'avait été apporté par Jenny Aubry pour me le proposer au titre d'illustration de ce que j'appelais à ce moment le stade du miroir. Il y avait un enfant dans le miroir dont je ne sais plus si c'était une petite fille ou un petit garçon. C'est même bien frappant que je m'en souvienne plus. Quelqu'un ici s'en souvient peut-être. Ce qui est certain, c'est que petite fille ou petit garçon, j'y saisis dans un geste quelque chose qui, à mes yeux, avait valeur de ceci, que à supposer, comme je le fais sur des fondements assurés, à savoir que ce stade du miroir consiste dans l'unité saisie, dans le rassemblement, dans la maîtrise assumée du fait de l'image. De ceci que ce corps de prématuré, d'incoordonné jusque-là, se semble rassembler, en faire un corps, savoir qu'il le maîtrise, qu'il n'arrive pas, sans qu'on puisse bien sûr l'affirmer, ce qui n'arrive pas au même degré. Chez les animaux qui naissent mûrs, il n'y a pas cette joie du stade du miroir, ce que j'ai appelé jubilation. Eh bien, il y a vraiment un lien de ça, à quelque chose qui était rendu sensible dans ce film, par quelque chose qui, juste un petit garçon ou une petite fille, je vous le souligne, avait la même valeur. L'élision sous la forme d'un geste, la main qui passe devant, l'élision de ceci, qui était peut-être un phallus ou peut-être son absence, un geste nettement le retirait de l'image. Et ça m'a été sensible comme corréla, si je puis dire, à cette prématuration. Il y a là quelque chose qui, dont le lien est en quelque sorte primordial par rapport à ceci qu'il appellera plus tard la pudeur, mais dont il serait excessif de faire état à l'étape dite du miroir. Le phallus, donc, c'est le réel, surtout en tant qu'on l'élide. Si vous revenez à ce que j'ai frayé cette année, en essayant de vous faire consonner consistance, existence et trou d'autre part, à imaginaire, réel pour l'existence et symbolique, je dirais donc que le phallus, ce n'est pas l'existence du réel. Il y a un réel qui existe à ce phallus, qui s'appelle la jouissance, mais c'en est plutôt la consistance. C'est le concept, si je puis dire, du phallus. Avec le concept, enfin, je fais écho au mot bégriffe, ce qui ne va pas si mal, puisqu'en somme, c'est ce phallus, c'est ce qui se prend dans la main. Il y a quelque chose dans le concept qui n'est passe en rapport avec cette annonce. Cette annonce, cette préfiguration, un organe qui n'est pas encore pris comme consistance, mais comme appendice, et qui est assez bien manifesté dans ce qui prépare l'homme, comme on nous le dit, enfin, ou ce qui lui ressemble, ou ce qui n'est pas loin, c'est-à-dire le singe. Le singe se masturbe, c'est bien connu, et ce en quoi il ressemble à l'homme, c'est bien certain. Dans le concept, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la singerie. La seule différence entre le singe et l'homme, c'est que le phallus ne consiste pas moins chez lui en ce qu'il a de femelle qu'en ce qu'il a dit mal. Un phallus, comme je l'ai illustré dans cette brève vision de tout à l'heure, valant son absence. D'où l'accent spécial que le par-lettre met sur le phallus. En ce sens que la jouissance y existe, que c'est là l'accent propre du réel. Le réel en tant qu'il existe, c'est-à-dire le réel comme réel, réel à la puissance 2, c'est tout ce qu'il connaît du 2 par l'être, c'est la puissance. Soit un semblant, par quoi il reste l'un seul, ce qu'on appelle l'être. Ceci départ, 1 puissance 2 égale 1. Il doit y avoir un lien, parce que je vous ai mis ça comme ça, indiqué dans son temps, il doit y avoir un lien entre ça et le sens. Soit ce par quoi le « un » s'applique si bien au zéro. C'est Frege qui en a fait la découverte. Et j'ai jaspiné en son temps sur la différence entre Sine et Bedeutung. C'est-à-dire quelque chose qui, où se voit la différence de 0 à 1, tout en suggérant que ce n'est pas une différence. Il n'y a rien de si bien que l'ensemble vide pour suggérer le 1. Voilà. Alors, comment le symbolique, comme ça, dont je vais faire marquer simplement qu'il a son poids enfin, dans la pratique analytique, comment le symbolique, c'est-à-dire ce que d'ordinaire on appelle le blabla, ou encore le verbe, c'est pareil. Comment cela cause-t-il le sens? Voilà la question que je ne vous pose qu'à en avoir la réponse. Est-ce que c'est dans l'idée de l'inconscient? Est-ce que c'est ça que je dis depuis le premier discours de Rome? Point d'interrogation, hein? C'est pas dans l'idée de l'inconscient. c'est dans l'idée que l'inconscient existe, écrit comme je l'écris, c'est-à-dire qu'il conditionne le réel de cet être que je désigne du par-l'être. Il nomme les choses. Comme tout à l'heure, je l'évoquais là, à propos de ce batifolage premier de la Bible au paradis terrestre. Il nomme les choses pour ce par-l'être, c'est-à-dire cet être qui lui-même est une espèce animale, mais qui en diffère singulièrement. Il n'est animal qu'en ceci, parce que ça veut rien dire, animal. Ça ne veut rien dire que de caractériser l'animal par sa façon de se reproduire, sexuée ou pas sexuée. L'animal, c'est ça, c'est ce qui se reproduit. Seulement, comment est-ce que cet animal est parasité par le symbolique, par le blabla. Oui. Là, il me semble, mais c'est peu probable, il me semble que je me distingue des gens de la même espèce animale qui de mémoire d'homme, c'est le cas de le dire, savent qu'ils parlent, mais n'en font pas état exprès. Et ce qui montre qu'ils n'en font pas état exprès, c'est pas bien sûr qu'ils ne l'aient pas dit. Tout s'est dit dans le blabla. Ils n'en font pas état exprès de ceci. Ils rêvent de n'être pas les seuls. Ça leur tient au boyau. Écrivez les seuls, si vous voulez, L-A-I-2-S-E-U-L-S. Pour évoquer le laisser seul dans ce parlage. Nos jours se manifestent comme ça par ce besoin frénétique de découvrir le langage chez les dauphins, chez les abeilles. Pourquoi pas, c'est toujours un rêve. Autrefois, ça avait d'autres formes, ce qui montre bien que c'est toujours un rêve. Il rêvait qu'il y a au moins un Dieu qui parle. Et qui ne parle pas, surtout, sans que ça ait l'effet. Qui cause. L'inouï, c'est que c'est cet embrouillage de pattes qui veut absolument qu'ils accotent ce Dieu de subparleur. Des anges, ils appellent ça. Des commentateurs, quoi. Enfin, il y a quand même quelque chose de plus sérieux, n'est-ce pas? Et qui est venu de ce fait qu'il y a tout de même une toute petite avance, pas un progrès, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à s'embrouiller les pattes, c'est que dans la linguistique, c'est-à-dire sur le parlage, on distingue tout de même le donner, le nommer. Le consacrer une chose d'un nom de parlotte. On va voit quand même là que c'est distinct de la communication. C'est là que la parlotte, à proprement parler, se noue à quelque chose du réel. Naming. Ouais. Naming. Quel est le rapport de ce naming, comme le dit le titre d'un livre, avec la nécessité? L'inouï, c'est que, depuis longtemps, n'est-ce pas, il y avait un nommé Platon qui s'est rendu compte que il y fallait le tiers, le troisième terme, de l'idée, de l'eidos, hein, qui est quand même un très bon mot grec pour traduire ce que j'appelle l'imaginaire. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire l'image? Il a très bien vu que sans l'eidos, il n'y avait aucune chance que les noms collent aux choses. Ça n'allait pas jusqu'au point qu'il énonce le nœud borroméen des trois, du réel, du symbolique, de l'imaginaire. Mais c'est parce que le hasard ne lui avait pas fourni. L'idée faisait pour lui la consistance du réel. Néanmoins, l'idée n'étant rien de son temps que de nommable, il en résultait ce qu'on a déduit, bien sûr, ce qu'on a déduit comme ça avec le discours universitaire. Le réalisme du nom, il faut le dire, le réalisme du nom, ça vaut mieux que le nominalisme du réel. Faut voir que le nom, ben mon Dieu, on met n'importe lequel pour désigner le réel. Le nominalisme philosophique, comme ça, pour que je marque une préférence, je marque simplement que le nominalisme est une énigme qui rend à ceci sensible, qu'elle rend hommage à l'effet du nom sur le réel. À savoir, est-ce que ça y ajoute qu'on le nomme? Tout ce que le nominalisme a pour se distinguer du réalisme du nom, fondé sur lui-même, sur l'imaginaire, c'est qu'il y a en moins un dire. On s'interdit d'avouer cet hommage. Ça se retrouve dans le prestige de l'université. Mais ça ne nous paraît pas à nous autres analystes, constituer un avantage. Nous restons dans la pensée. On dirait que je m'en paye. Même au point que ça vous fatigue. Mais je ne vois pas pourquoi le fait de m'en payer dans l'occasion pourrait se traduire par autre chose qu'un effort pour m'en dépêtrer. Me dépêtrer de ce qui est fondamental pour la pensée, à savoir ce que j'appellerais l'imbécilité typique du mince, de l'humeur humaine à l'endroit du réel qu'elle a pourtant à traiter. D'où l'urgence que le sens de ce mot réel soit discernable. Jusqu'à présent, ce que j'ai dit là à propos de la tradition garde toute sa valeur. Ce n'est pas de plus, enfin de plus monnayable que la religion, le green pasture. Pour aller là, droit au but, l'eau moins un dieu, hein, le vrai de vrai, c'est lui. Grand elle qui a appris à bon parler-être, à faire nom pour chaque chose. Le nom du nom de nom, de nom du père, le nom du père, sans cela, pour le ziste ou le zeste éternité. D'où il résulte tout de même, à prendre un peu de recul, que le réel, c'est ce qui existe au sens, en tant que je le définis par l'effet de la langue sur l'idée, soit sur l'imaginaire supposé par Platon, à l'animal, par l'être, entre autres animaux au corps ou diable au corps, comme vous voulez. Car pourquoi pas comme ça, puisqu'on est dans la débilité mentale. Un débile mental en vaut un autre, pourquoi pas Platon. Aristote qui lui argumente sur l'idée d'âne pour dire que l'âne est un âne. Eh bien, lui, et qu'il n'y a pas d'âne majuscule, ben, il a Aristote lui aussi. Le réel, concevoir, c'est l'expulser du sens. C'est l'impossible comme tel. C'est l'aversion. L'aversion du sens. C'est aussi, si vous voulez, l'aversion du sens dans l'antisens et l'antessens. C'est le choc en retour du verbe en tant que le verbe n'est là que pour ça. Un ça qui n'est pas pour rien. S'il rend compte de ce dont il s'agit, à savoir de l'immondice dont le monde, c'est monde en principe, si tant est qu'il y a un monde, ça ne veut pas dire qu'il y arrive. Hein. L'homme est toujours là. L'existence de l'immonde, savoir de ce qui n'est pas monde, voilà le réel tout court. Et ça vaut bien pousser ça jusqu'à l'élaboration du canteur. Il existe. Tel X, qui plutôt qu'un X, ça vaudrait mieux, oui, de dire une X. Pour qu'elle existe dès lors, c'est une. L'existence comme une, voilà ce qu'il faut se demander, c'est à quoi elle existe. Elle existe à la consistance idéique du corps, celle qui ce corps le reproduit. Tout comme Platon le situe très bien, selon la formule maintenant que nous contaminons de l'idée du message prétendu des gènes. Elle existe au symbolique en tant que le symbolique tourne en rond autour d'un trou. Un viola sans quoi le nœud des trois ne serait pas borroméen, car c'est ça que ça veut dire, le nœud borroméen. C'est que le trou du symbolique, est inviolable. Voilà, alors pourquoi ne pas l'écrire comme ça, dans l'ordre où c'est le plus simple à écrire. Le symbolique, ici, c'est lui que je mets en rond, là. Le symbolique s'imposant à l'imaginaire que je mets en vert, couleur d'espoir. On voit comment le réel y existe. De ne pas plus se compromettre à se nouer avec le dit symbolique en particulier que ne le fait l'imaginaire. Alors là, je vous ai montré pendant que j'y étais, enfin, que quel que soit le sens, n'est-ce pas, dans lequel on fait tourner cet imaginaire et ce réel, ils se croiseront, comme il est ici mis à plat, de façon, en tout cas, à ne pas faire cher. Car l'indication, ici, dans cette forme, croisement, c'est aussi bien. Ces deux consistances peuvent être des droites à l'infini, mais que ce qu'il faut bien préciser, c'est de quelque façon qu'on conçoive ce point à l'infini qui a été rêvé par De Sargue comme spécifique de la droite, une droite qui fait retour d'un de ses bouts à l'autre, il faut quand même mettre bien au point ceci, c'est qu'il n'est aucunement question qu'elle s'imagine se replier, sans que celle qui d'abord passait dessus, passe encore dessus, sur l'autre. Alors, ce à quoi nous venons, c'est que pour démontrer que le nom du Père, ce n'est rien d'autre que ce nœud, il n'y a pas d'autre façon de faire que de les supposer dénoués. Ne passons plus ce symbolique devant l'imaginaire. Oui, j'ai vu que... Faut que j'en rajoute. Ne passons plus ce symbolique devant l'imaginaire. Seulement, c'est pas le bon crayon. Prends-le comme ça. Un peu petit, je m'excuse. Voilà, c'est là ce que vous avez. Voilà. Et alors, quelle façon, ce que vous avez qui est là, quelle façon de les nouer? Les nouer d'un rond qui, ces trois consistances indépendantes, les nous. Il y a une façon qui est celle-là. Celle-là que j'appelle du nom du Père. C'est ce que fait Freud. Et du même coup, je réduis le nom du Père à sa fonction radicale qui est donner un nom aux choses. Avec toutes les conséquences que ça comporte. Parce que ça ne manque pas d'avoir des conséquences. Et jusqu'au jouir, notamment, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Je vous avais déjà fait un tracé. Un tracé de ces quatre nouées, comme telles. On avait même fait un qui était raté. Mais le grand, le bon, c'est celui-là que je vous reproduis aujourd'hui, mais profil. C'est-à-dire qu'au lieu de le voir sagittal, le voir transversal. C'est celui-là, le grand cercle, dont je vous ai montré que, à distinguer ces trois cercles, comme ils sont dans une sphère armillaire, à savoir se contenant les uns les autres, on doit crocher le cercle le plus intérieur, passer par-dessus le cercle le plus extérieur, en se mettant avant de revenir sur ce cercle le plus extérieur, à l'intérieur du cercle moyen. C'est ça qu'exprimait le premier schème que je vous avais livré. Qu'est-ce qui ne voit pas? C'est toi. Nous laisse dans le 3. À savoir que comme on peut s'y attendre, ce qu'il en est, la distinction dans le symbolique du donner-nom, fait partie de ce symbolique, comme le démontre ceci, que l'adjonction de ce 4 est en quelque sorte superflue. C'est à savoir que ce que vous voyez là d'une façon particulièrement claire, je l'ai répété parce qu'ici, ça ne saute peut-être pas aux yeux, c'est que le nœud borroméen, c'est ça. C'est ça avant sa mise à plat d'une façon quelconque. Le nœud borroméen, c'est ce qui se cerne. Il se cerne l'un à l'autre. Introduit ce tiers, pénétré dans sa décerne, de façon telle que l'eau, soit par rapport au tiers amené dans le même rapport qu'il est avec le premier cercle. Est-ce qu'il y a ici un ordre discernable? Est-ce que le nœud borroméen est un tout concevable, c'est le cas de le dire, ou bien est-ce qu'il implique un ordre? Au premier abord, on pourrait dire qu'il implique un ordre dans le cas où chaque façades, ces cercles, restent coloriés. Comme s'est exprimé très justement quelqu'un qui m'a envoyé un texte où il emploie le mot colorier, ce qui, dans l'occasion, veut dire où chacun reste identifié à soi-même. On pourrait dire que s'ils sont coloriés, il y a un ordre. Que 1, 2, 3 n'est pas 1, 3, 2. La question pourtant est à laisser en suspens. Il est peut-être au regard de tous les effets du nœud qu'il soit indifférent cet ordre. 1, 2, 3, 1, 3, 2, ce qui nous mettrait bien sur la voie. Qui ne sont pas à identifier, c'était en tant que trois faisant nœud borroméen, c'est-à-dire dont aucun rond ne fait chaîne à aucun moment avec un autre des ronds, que c'est en tant que tel qu'il nous faut supporter l'idée du symbolique. L'imaginaire et du réel. Ce qui me le suggère, c'est ce que j'ai reçu de ceux qui s'intéressent aux nœuds, je l'ai dit tout à l'heure, un nommé Michel Thomé m'a envoyé une petite lettre pour me montrer que dans une certaine figure que je n'ai pas contrôlée et que je n'ai jamais dessinée ici, en tout cas, que dans une certaine figure, quelqu'un qui l'avait introduite dans la publication de mon séminaire 20, a fait ce qu'il appelle une erreur, et une erreur de perspective. Il avait mis en valeur ceci, d'un cercle à l'autre, les trois, le premier, à être noué à lui, la forme la plus simple de la mère était, comme je suis servi du terme, le cercle plié en deux oreilles. Lui qui a la bonté de méditer, a fait cette erreur de perspective, de tout en gardant la forme pliée dans le même ordre, ici correspondant à ici, et ici correspondant à ici, et ainsi de suite, de considérer que les deux battants de ces deux oreilles simplement faisaient deux et de ne pas les croiser. D'où il résulte aussitôt cette suite de conséquences. Michel Thomé a fort bien vu. C'est à savoir que ces nœuds s'enlacent et que par conséquent, en coupant celui qui ici retiendrait ensemble ces deux boucles, ces deux oreilles que je parlais tout à l'heure, aboutirait, je n'ai pas su voir, cette figure-ci d'abord, voir celle-ci à l'extrême. Où l'on voit bien que ces nœuds sont enlacés. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, car Michel Thomé en question aura bien déduit, c'est qu'il en résulterait un nœud borroméen d'un type spécial, qui serait tel que, à nous limiter ici par exemple à 4, mais vous pouvez voir que ça fonctionne aussi bien à 3, que je voulais faire remarquer, ces deux-là restent doués. besoin donc d'en mettre quatre pour s'apercevoir de ceci, de quatre seulement en évidence, c'est qu'il n'y a moyen de manifester le borroméanisme. Ceci ne par exemple la carte. Quatre tranchées, un seul d'entre eux. À savoir celui du joueur le dernier. Regardant quoi chacun des autres se libérera le suivant. Jusqu'au premier. Mais si l'on peut dire, il faut faire là une distinction. Ils ne se libéreront pas ensemble, ils se libéreront l'un après l'autre. Alors, au contraire, si vous commencez à couper celui qui vient d'appeler le premier, tous les autres, jusqu'au dernier, resteront noués. Il y a là quelque chose de tout à fait intéressant, qui démontre quelque chose particulier à certains nœuds qu'on peut appeler borroméens dans un sens, mais non pas dans l'autre, qui évoque déjà l'idée du cycle et de l'orientation. Je n'insiste pas, parce que je pense qu'il n'y a vraiment que ceux qui se vouent à une étude qui peuvent y prendre un véritable intérêt. Ici, j'avais moi-même dessiné un nœud d'intérêt que de ne pouvoir pas être produit de cette erreur de perspective à qui Michel Thomé a donné sa fécondité. Il n'est strictement productible que d'être fait près de la confusion des deux boucles qui tiennent de chaque côté les formes d'oreilles qui sont celles que j'ai proposées comme la forme la plus simple pour engendrer le nœud borromé. Vous le voyez ici, ici pourrait être un nœud externe, un rond externe qui tiendrait ces deux boucles d'oreilles, pour ne pas le dire, et ainsi de suite. Et si vous réunissez ces deux nœuds, ces deux ronds, j'y ai déjà fait allusion en son temps, vous obtenez la forme suivante qui est tout à fait distincte des formes que j'appellerai la. C'est-à-dire celles qui sont produites d'une erreur de perspective telle que celle-ci, voire une erreur de perspective telle que celle-là, qui n'est pas la même. Je n'insiste pas. Et je poursuis ce qu'il en est du nom du Père pour le ramener à son prototype et dire que Dieu dans l'élaboration que nous donnons à symbolique, à cet imaginaire et à ce réel, Dieu est la femme rendue toute. Je vous l'ai dit, elle n'est pas toute. Au cas où elle existerait, d'un discours qui ne serait pas du semblant. Nous aurions cet E de X que je vous ai noté autrefois. E de X, non fi de X, le dieu de la castration. C'est un vœu qui vient de l'homme. Avec un grand H. Un vœu qu'il existe des femmes qui ordonneraient la castration. L'ennui, c'est qu'il n'y en a pas. cook on me mind, cause it ain't clean, dog. Il était quoi la dive? De la patoute? Il n'existe pas. Il n'existe pas. La femme, je l'ai dit. Mais le fait qu'il n'existe pas la femme tout, n'implique pas, contrairement à la logique aristotélicienne, qu'il y en ait qui ordonne la castration. Gardez ceci qui est le plus aimé qu'elle dise. Dans Rabelais, naturellement, ça ressort du comique, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce néanmoins, pas toutes, ça ne veut pas dire qu'aucune dise le contraire, qu'il existe un X de la femme qui formule le gardez pas, très peu pour elle le dire que non. Elles ne disent rien, simplement. Elles ne disent rien, sinon en tant que la toute, dont j'ai dit que c'était Dieu tout à l'heure. La toute, si elle existait, il n'y en a pas pour porter la castration pour l'autre. Et ceci est au point que le phallus, tel que je l'ai indiqué tout à l'heure, ça n'empêche pas qu'elle se voudrait, comme on dit. Rien de plus phallogocentrique, comme on écrit quelque part à vos propos. Rien de plus phallogocentrique qu'une femme, à ceci près, qu'aucune, ne toute le veut, le dit Phallus. Elles en veulent bien, chacune, à ceci près, que ça ne leur pèse pas trop lourd. C'est tout à fait comme ce que j'ai mis en valeur dans le rêve dit de la belle Boussère. Saumon fumé, comme vous savez. Elle en veut bien, à condition de ne pas en servir. Elle ne le donne qu'autant qu'elle ne l'a pas. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est même la définition que j'en ai donnée. Donner ce qu'on n'a pas, c'est l'amour. C'est l'amour des femmes. Pour autant, c'est-à-dire que c'est vrai qu'une par une, elles existent. Elles sont réelles. Et même terriblement. Elles ne sont même que ça. Elle ne consiste qu'en tant que le symbolique existe, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, l'inconscient. C'est bien en quoi elles existent comme symptômes, dont cet inconscient provoque la consistance. Ceci, apparemment, dans le champ mis à plat du réel. C'est ce qu'il faut appeler réellement. Ce qui veut dire, on ne fait pas assez attention à cette distinction de l'adverbe et de l'adjectif, à la façon du réel. Mais en réalité, à la façon dont s'imagine dans le réel, pas besoin de refaire le schéma, je pense, dont s'imagine dans le réel l'effet du symbolique. Ce qu'il faut quand même que je dessine. Voilà. L'espèce symbolique, en tant qu'il apparaît dans le réel. Et même si c'est en circulation là, je m'excuse mon reste souris. Il m'a envoyé un très beau petit schéma concernant le nœud borroméen dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui. Je veux quand même lui indiquer quelque chose. C'est que ces deux schémas qu'il me renvoie, justement, comportent une orientation, une direction, en notre terme. Que ces trois éléments essentiels du nœud borroméen sont orientés d'une façon scientifique. À quoi il m'oppose la forme? Celle où les trois, j'ai dit tout à l'heure, dans la suite sans effet, à quoi il m'oppose la forme sans effet. Je vais faire marquer ceci, comme ça, au passage. C'est que, à ne pas identifier, c'est-à-dire colorier, ces trois ronds, à ne pas spécifier lequel est leur symbolique, lequel est le réel. Ces nœuds, bien loin d'être intransformables l'un dans l'autre, ne sont que le même, vu d'un autre côté. Je dois y ajouter ceci, que si, peut-être que ceci le réel, apprendre les choses de l'autre côté, le réel et le symbolique sont inversés, ce qui n'est pas prévu dans son schéma. Ce qui laisse pourtant intacte la question de savoir, celle que j'ai posée tout à l'heure, s'il est indifférent que dans cette forme non mise à plat, que dans cette forme, l'ordre existe ou n'existe pas. Je lui permets de lui signaler qu'il y a distinction entre l'ordre des trois termes, l'orientation donnée à chacun, et l'équivalence des nœuds. Ceci dit, je poursuis, et je fais remarquer que l'idée de suppléer à la femme irréelle. Ce n'est pas pour rien que les imbéciles de l'amour fou s'intitulaient eux-mêmes surréalistes. Ils étaient d'eux-mêmes, je dois dire, symptômes de l'après-guerre de 14, à ceci près que symptômes sociaux. Mais il n'est pas non plus dit que ce qui est social ne soit pas lié à un nœud de ressemblance. Leur idée donc de suppléer à la femme qui n'existe pas comme là, à la femme, je vous ai dit enfin, que c'était bien là le type même de l'errance, les remettait dans l'ornière. Du nom du père en tant que nommant, dont j'ai dit que c'était un truc émergé de la Bible, mais dont j'ajoute que c'est pour l'homme une façon de tirer son épingle phallique du jeu. Qu'un dieu, mon dieu, aussi tribal que les autres, mais peut-être employé avec une plus grande pureté de moyens, n'empêche pas n'empêche pas ceci, qu'il nous faut toucher du soupèsement, de la façon même de jouer de ce nœud. C'est que ce dieu tribal, qu'il soit celui-là ou bien un autre, n'est que le complément bien inutile. C'est ça qui m'exprime de la conjugaison de ce nœud au symbolique. C'est le complément bien inutile du fait que c'est le signifiant. Un. Et sans trou dont il soit permis de se servir dans le nœud borromère. Qui a un corps d'homme asexué par soi, Freud le souligne, donne le partenaire qui lui manque. Qui lui manque comment? Du fait qu'il est, si je puis dire, affligé, à écrire comme ça, affligé réellement d'un phallus, qui est ce qui lui barre la jouissance du corps de l'autre. Il lui faudrait un autre de l'autre pour que le corps de l'autre ne soit pas pour le sien du semblant. Pour que il ne soit pas si différent des animaux que de ne pouvoir, comme tous les animaux sexués, faire la femelle le dieu de sa vie. Il y a pour le mental de l'homme, c'est-à-dire l'imaginaire, l'affliction du réel phallique, à cause de quoi il se sait naître, que semblant de pouvoir. Le réel, c'est le sens en blanc. Autrement dit, le sens blanc par quoi le corps fait semblant. Semblant dont se forme tout discours, au premier rang le discours du maître, qui du phallus fait signifiant indice 1, ce qui n'empêche pas que si dans l'inconscient il n'y avait pas une foule de signifiants à copuler entre eux, à s'indexer, de foisonner deux par deux, il n'y aurait aucune chance que l'idée d'un sujet, d'un patème du phallus, dont le signifiant, c'est l'un qui le divise essentiellement, vienne au jour, grâce à quoi il s'aperçoit qu'il y a du savoir inconscient, c'est-à-dire de la copulation inconsciente. D'où l'idée folle de ce savoir en faire semblant à son tour, par rapport à quel partenaire, sinon le produit de ce qui se produit, d'une copulation aveugle, c'est le cas de le dire, car seuls les signifiants copulent entre eux dans l'inconscient, mais les sujets pathématiques qui en résultent, sous forme de corps, sont conduits, mon Dieu, à en faire autant. Baiser qu'ils appellent ça. C'est pas une mauvaise formule. Car quelque chose les avertit qu'ils ne peuvent faire mieux que de susauter le corps signifié autre, autre seulement par quelque écrit d'état civil. Pour en jouir, ce qui s'appellerait en jouir comme tel, il faudrait le mettre en morceaux. Hein? Non pas qu'il n'y ait pas pour cela chez l'autre corps, des dispositions, comme ça, d'être né prématuré, c'est pas inconcevable. Le concept, là, ne manque pas. On appelle ça le sadomasochisme, je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne peut que se rêver. De l'inconscient, naturellement, puisque c'est la voix dont il faut dire... Donc il faut dire que c'est paumé, c'est-à-dire royal. Roi. Un nom de plus dans l'affaire, dont chacun sait que ça rejaillit toujours l'affaire du nom du père. C'est un nom à perdre comme les autres, à laisser tomber pour sa perte. Les noms du père, hein? Les anons du père, quel troupeau j'en aurais préparé pour les faire ou leur faire rentrer dans la gorge leur braiment si j'avais fait mon séminaire. J'aurais juste dit, mot qui vient d'une femme, quelle connerie nouvelle. Mais pourquoi? Les analystes, à liste d'attente, bien entendu, faisaient la queue aux portes de l'Interfamiliale Analytique Association et Anna fredonnait en coulisses le retour au berceau en bricolant des motions d'ordre gratinées. Je ne suis certes pas insensible à la fatigue d'exister. Terre, terre, qu'on croit toujours atteindre enfin. Je ne suis que persévérer dans mon air. Laurent serrait mon air avec ma discipline, car celle-ci en bénéficie.